Bonjour, bienvenue à cette conférence du mois de janvier 1994. Merci. Merci. Pour commencer, j'aimerais donner la parole à M. Kemp. Il y a quelques petites choses à dire. Oui, j'en ai pour une heure ou deux. Une heure ou deux. J'avais des sujets, sauf que... Oui, vos sujets vont être bons. Mais au départ, il y a des sujets plus intéressants. Mm-hmm. Absolument. Maintenant, c'est détrouvé. Laissez-les trouver. Alors, il arrive ceci, c'est que c'est... ces temps-ci, je me promène, je voyage, je circule un peu à travers le temps. D'ailleurs, j'arrive justement d'un transport séraphique, et puis... j'ai la possibilité d'étudier un peu ce qui fait en sorte que les humains du 20e siècle n'avancent pas, ne bougent pas, ne font rien. Ben, ils font. Et je m'amuse souvent à essayer de décortiquer la mécanique qui engendre l'idée, qui engendre l'impression de conscience dans la tête de certaines personnes, qui leur amène l'idée que les choses vont bien, ou que les choses vont mieux, ou que les choses ne vont pas si pire, et qui amène sans arrêt l'impression que les personnes sont tout près d'aboutir. Et quand on observe de loin, on se rend compte que les personnes sont tout près d'aboutir, mais tout près étant très relatif. Alors, il faut, évidemment, pour arriver à accélérer un peu plus le processus de conscientisation appliqué de l'être humain, ben, il faut que l'être humain se serve d'un carburant, ait un carburant pour être capable d'avancer. Alors, j'essaie de trouver... J'avais d'ailleurs noté que ces derniers temps, là, on a avancé, et puis là, actuellement, il y a une espèce de recul général de la plupart des conscientisés. On va dire qu'il y a un recul, oui, c'est que les gens fonctionnent un peu comme... Ou un arrêt. C'est une peur. Mais c'est même pas un arrêt, c'est un recul. Une peur. C'est-à-dire que c'est ça. Ce qui est acquis reste acquis. Ce qui ne nuisait pas commence à nuire. Alors, ça me donne toujours un peu l'impression que j'avance un peu et je paye le prix. J'avance un peu et je paye le prix. J'avance un peu et je paye le prix. Et la problématique, c'est que... c'est ça. C'est que l'être humain n'a pas besoin de passer par ce genre de processus, mais l'humain a besoin d'un carburant. Et le carburant qui est normalement utilisé par l'être humain dans son ascension, donc dans sa conscientisation, normalement, ça va être... Bon, il y a différents types de carburants. Comme on a le gaz, on a le pétrole, on a le diesel, on a les carburants nucléaires, on a le kérosène. Bon, il y a différents types de carburants au niveau matériel. Au niveau humain, c'est un peu la même chose. Et ça peut être la peur. La peur est un très, très bon carburant. Sauf que chez la personne qui se conscientise, la peur de la réussite peut être un carburant qui va l'amener à aller dans le sens opposé à ce que la peur de la mort, la peur du passé ou les peurs habituelles peuvent l'amener dans le sens opposé. Autrement dit, une personne, par exemple, qui a plus peur du diable que de Dieu va avancer vers Dieu, mais la peur d'atteindre l'objectif, donc pour l'ego de ne plus avoir finalement de raison de vivre, étant donné qu'il vient d'aboutir, donc cette peur de rejoindre Dieu peut devenir plus puissante que la peur du diable. Donc, l'être humain, tant qu'il a peur du diable plus que de Dieu, il a un carburant, il avance vers Dieu. Et lorsqu'il s'approche de Dieu, il commence à développer un carburant opposé, beaucoup plus puissant que le carburant qui l'amenait. Donc, plus il va s'approcher de Dieu, plus il va tendre à ralentir, plus il aura l'impression d'être prêt. Et en réalité, il sera prêt, il sera très, très, très, très prêt, et probablement qu'il n'aboutira jamais. Donc, il est finalement infiniment loin, pas de suite. Il est infiniment loin de l'aboutissement, parce que même s'il est prêt matériellement ou temporellement de cet aboutissement-là. Si ce n'est pas la peur, les carburants peuvent prendre la forme du pouvoir. Alors, l'être humain qui a besoin de dominer, et ça, tous les humains égoïquement ont des relations de dominance, L'être humain qui a un besoin un peu plus grand de dominance va voir ce besoin-là se transformer en carburant et nécessairement, il pourra dès lors conquérir des mondes, créer des inventions absolument géniales, créer des cités, créer des armées, traverser les océans pour aller à la guerre. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Il a un carburant absolument génial. Il veut être le meilleur. Il veut dominer. Chez les meilleurs vendeurs, par exemple, on aura le même genre de carburant. Être le meilleur, ils vont y aller. Chez les meilleurs courtiers en valeur mobilière, ça peut être la même chose. Et on retrouve ça un peu partout dans la société. Des gens qui ont finalement une dynamique pour mordre apparemment à la vie, pour foncer, pour croire en ce qu'ils sont, pour croire en ce qu'ils font. Une chose certaine, c'est qu'ils y vont. Un autre carburant, évidemment, pour la personne qui se conscientise, il vient à un moment donné où, même si elle a besoin fondamentalement de puissance, de dominance, de domination, si le carburant commence à prendre un peu d'ampleur, la majorité des conscientisés le conscientisent, et là, ils ne veulent tellement pas être comme ça, qu'ils vont développer aussi un carburant opposé. Pour retourner d'où... Donc, finalement, ce carburant-là va encore une fois les écraser plutôt que de les amener avancer. L'incertitude, c'est un super bon carburant aussi. L'incertitude, c'est un carburant qui est un carburant opposé. Oui, c'est pas ça. Un carburant qui fait avancer, actuellement, c'est un carburant qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui ce qui aide le plus de conscientisés à retourner. C'est ça. C'est ce qui alimente le moteur du retour. Pour la majorité des gens, va être l'incertitude, l'insécurité, ces choses-là. Comme autre carburant, il y a le rejet, le carburant pour avancer, le rejet complet et total de soi. C'est un carburant phénoménal qu'on appelle la médiocrité, qu'on appelle la dévalorisation complète. Et ce carburant-là va prendre la forme de l'amour de Dieu, de l'amour d'un chef, de l'amour d'une idée, de l'amour... Oui, mais ça avance toujours dans le sens du disciplinat. C'est-à-dire que tu avances dans la vie avec ça. Oui, dans le sens du divinat, mais tu avances dans la vie. Par exemple, c'est l'amour mais de Jésus. Mais ça n'avance pas nulle part. C'est-à-dire que ça avance dans la vie. Le pire qu'on peut être, c'est le premier disciple. Oui, mais là, c'est parce que toi, tu utilises justement un carburant opposé. C'est pourquoi tu n'aimes pas déjà ça. Mais n'empêche que quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui va dire, qui est prêt à donner sa vie pour sauver le roi, l'empire va grossir. Oui. Bon. Donc, on a un carburant maintenant pour mordre à la vie. Bon, et les carburants qui forcent l'humain à avancer, je ne te dis pas que ce sont des carburants intelligents, ce sont des carburants qui amènent l'humain à avancer. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous venez de dire? Par exemple, oui, mais ça, c'est le pire qui peut arriver, c'est que c'est le premier disciple. Ça, c'est que là, vous utilisez un carburant involutif, c'est un carburant qui va vous empêcher de bouger. Finalement, les témoins de Jéhovah vont être capables de faire des réalisations matérielles beaucoup plus importantes que les groupes de conscientisés. Mais quand il faut utiliser le carburant avec l'intelligence? Un instant. Là, vous êtes en mode contre. Là, vous utilisez des carburants pour empêcher d'avancer. On va commencer par définir les carburants qui nous permettent d'avancer. Et si c'est seulement ces carburants-là qui peuvent nous permettre d'avancer, il faudra qu'on cesse d'avoir des concepts qui disent « Ah oui, mais moi, je n'en veux pas de celui-là. » Bon, bien, continue à descendre. On va voir. Okay. Il y a des études qu'il faut faire. Mais ce qui est important, c'est que si finalement on ne veut plus d'automobile au pétrole, et que si on veut avancer, il n'y a que le pétrole, bien, au yable l'écologie, on prend le pétrole et on avance. Sauf qu'actuellement, on ne veut plus ci, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Qu'est-ce qu'on a pour compenser? Foutrement rien, sauf que notre énergie, pour ne plus vouloir ça, crée un carburant qui nous ramène où nous étions. Alors finalement, l'humain, il est là, il avance, il a des idées, il avance un peu, il voit, il fait, c'est une espèce de grosse bouillabaisse. D'ailleurs, c'est typiquement français comme solution. Alors, comme autre carburant, donc, on a le rejet de soi, qui va porter le nom d'amour de Dieu? Bon, au nom de Dieu, on peut faire plein de choses, on peut conquérir le monde, on peut être martyr, on peut aller découvrir le Pérou, aller dans la jungle, se faire arracher les doigts, se faire crever les yeux par les indigènes pour porter la bonne nouvelle. Vous essayerez ça, vous autres, avec vos carburants, voir si vous allez être capable. Probablement, vous allez même avoir des difficultés à traverser la rue. Comme disait quelqu'un d'ailleurs, les Américains, ils traversent le monde pour aller défendre la démocratie alors qu'ils ne sont pas capables de traverser la rue pour aller voter chez eux. Bon, ben, c'est un peu, d'ailleurs, l'idée même des conscientisés. Alors, ce carburant-là, c'est un carburant qui est puissant. Nécessairement, l'être humain qui se conscientise finit par découvrir qu'il n'est pas une lavette Évidemment, il y a un paquet de contre-carburants qui vont finir par lui dire « Tu n'es pas de la merde, mais tu n'es rien d'autre. » C'est à peu près ce qui se vit souvent dans la conscience des gens. Donc, l'être humain qui découvre finalement que ce carburant-là est un carburant qui le fait avancer, qui se conscientise, va nécessairement, pour arriver à son indépendance psychologique, à son indépendance mentale, il va vouloir rejeter les chefs, comme vous disiez, il va vouloir rejeter les dieux, il va vouloir rejeter les concepts, les nations, on ne se battra plus pour une idée, pour la cause, mourir pour la cause, j'aime autant vivre pour la cause. Bon, mais l'humain va mourir pour la cause. Alors, quand l'être humain se conscientise, il n'y a plus la cause, mon œil, le drapeau, mon œil, le pape, mon œil, le roi, mon œil, bon. Alors, nécessairement, on élimine progressivement presque toutes les formes de carburant qui peuvent vous permettre, qui peuvent permettre à l'être humain de continuer son ascension, c'est-à-dire de développer, de créer, de construire, d'innover et de prendre le dessus sur les mécaniques matérielles. Il ne reste plus de base pour prendre son essor. Non, il ne reste plus rien. L'être humain est en panne. La majorité des gens sont en panne, plus ou moins sèche, de carburant. Appuyé en plus par beaucoup, beaucoup d'oxydation, c'est-à-dire de rouille astrale, manque d'affection, manque d'énergie astrale, manque d'émotivité, manque de nourriture. Alors, ce qui fait que ça, c'est grosso modo un conscientisé. Actuellement. Ouais, c'est une Lada, pas de soupape, tout rouillé, avec un sac de patates en arrière, mais plus d'essence. Puis en plus, il n'y a pas de chemin. Oui. Même s'il y avait des chemins, de façon qu'une Lada, ça ne rend pas plus compte dans le champ ou sur la route. C'est mieux dans le champ. Avec une Lada, ça fait beaucoup de différence. Bon. Quand on étudie ça de loin, de haut, et qu'on essaie de voir ce qui pourrait amener les conscientisés à bouger, on se rend compte que l'être humain doit, et ça revient à ce que Jacques Rousseau disait de temps en temps, et moi, je ne veux pas passer par ce genre de cheminement. D'ailleurs, moi, je ne passe pas par ce genre de cheminement. Pour hausser son taux vibratoire. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Mais pour le hausser, la solution du saut est simple. Et il a planétairement raison. Alors que je sais qu'il y a une autre façon, mais apparemment, vous ne voulez pas de l'autre façon. Et la façon de Jacques Dussault, c'est que l'humain doit manger de la merde, mais alors là, en manger. Là, ça va l'amener à un écœurement suprême, et c'est, selon lui, et il a raison, la seule façon de faire en sorte que l'humain finisse par se servir planétairement de sa conscience. Bon, c'est pas juste lui qui dit ça, il y en a d'autres qui disent ça. C'est le méritoire. C'est même plus le méritoire, c'est la gang de caves. Donc, c'est le chemin. Bon. Il y a effectivement une autre façon, mais cette autre façon-là, moi, je peux la vivre, donc j'en déduis que d'autres peuvent la vivre, mais je ne connais personne actuellement qui veulent la vivre. Et cette façon-là va être celle de la simplicité, celle de l'harmonie, celle de la paix, celle de la désinhibition, celle de l'amour, et pour l'humain, ces choses-là, ça fait partie de concepts. Ça fait partie d'un feu chimique qu'on ne peut pas toucher. Ça fait partie de « si tu vois Dieu, tu vas devenir aveugle ». Ça fait partie d'un paquet de choses du genre. Alors, la question fondamentale que je pose souvent aux gens étant ceci, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour être heureux? La réponse de l'humanité, c'est rien. Donc, on peut constater, par exemple, que la journée où vous allez, commencer à vous empiffrer de cochonneries, disons de sucre, vous n'avez besoin d'aucun effort. Mais si vous voulez manger mieux, là, vous allez devoir lutter et faire de gros efforts. Si vous voulez commencer à devenir alcoolique, commencer à boire un coup, ça ne vous demande aucun effort. Si vous voulez ne pas faire cela ou cesser de le faire, ça va vous demander un gros effort. Si vous voulez devenir colérique, casser la gueule à quelqu'un, pas besoin d'effort. Si vous êtes colérique et que vous voulez maintenant commencer à être calme, ça va vous demander un gros effort. Donc, on peut en déduire au microscope que l'être humain est à 100% conçu pour l'involution et pour l'autodestruction. Il n'a pas besoin de faire aucun effort pour se suicider. Le suicidé, là, il se suicide. M'en dites vivre, ça, c'est une autre affaire. La personne qui n'a pas besoin de se suicider ne fera pas d'effort pour se suicider. Elle n'a pas besoin de se suicider. Mais les gens doivent faire des efforts pour guérir, jamais d'efforts pour être malade. Les gens doivent faire des efforts pour aimer, mais jamais d'efforts pour haïr. Les gens doivent faire des efforts pour se calmer, jamais d'efforts pour s'exciter. Donc, on doit, évidemment, si on veut comprendre la mécanique qui des carburants, comprendre effectivement de quelle façon l'humain est structuré pour expliquer le fait qu'il préfère finalement vivre dans un monde totalement perverti, dans un monde qui est incohérent, dans un monde de violence, dans un monde de décadence, alors que fondamentalement, quelque part chez lui, semble brûler une petite lueur de paix, d'harmonie. Est-ce que cette lueur-là est uniquement là pour venir écœurer tout le reste qui veut vivre sur la planète Terre au 20e siècle? Ou si effectivement, là, il y a quelque chose qui veut prendre contrôle de l'individu? Dans la majorité des cas chez les humains de la planète, la flamme n'existe pas. Dans quelques autres, ce n'est pas la flamme qui existe, mais uniquement une photographie de la flamme, donc c'est de la mémoire. C'est des saveurs mémorielles. Et chez quelqu'un conscientisé, il y a effectivement ce petit bout de flamme. La grosse problématique, c'est que l'humain ne veut pas ouvrir le gaz, donc il ne veut pas faire grossir la flamme. Il ne veut pas ou il ne peut pas? Il ne veut pas pouvoir et il ne peut pas vouloir. Et c'est vrai. Et le gros du problème, c'est qu'il y a suffisamment d'intelligence dans la majorité des séminaristes pour engendrer une crise pacifique qui va amener l'intelligence à être capable de s'émanciper à l'intérieur de l'être humain pour amener tout le paquet d'os vers la paix, alors qu'actuellement, le moindrement que le petit feu commence à grossir un petit peu, l'humain immédiatement se concentre sur tout ce qui ne fait pas partie de l'ère nouvelle. Il se concentre sur ce qui fait partie de la mort, de l'ère ancienne, etc., etc., etc. Par exemple, la personne va commencer à se dire, si je rencontrais de temps en temps telle ou telle personne, peut-être que je pourrais m'alimenter. Et immédiatement, au lieu de continuer à voir de quelle façon elle pourrait s'alimenter, des plaisirs qu'elle pourrait avoir, etc., immédiatement, elle se dit, oui, mais par contre, s'ils deviennent têteux, qu'est-ce que je vais faire? Immédiatement, on se concentre sur l'ère ancienne. Immédiatement, on se dit, oui, mais là, c'est pas garanti non plus que je mette ça avec eux autres. Là, c'est pas, et finalement, mangeons de la marde. Et la majorité des individus vont fonctionner comme ça. Tout ce qui peut aller vers l'ère nouvelle, à l'instant où les individus commencent à regarder là-dedans, ils se concentrent immédiatement sur ce que finalement ils veulent, c'est-à-dire la mémoire, les problèmes, les stimulations de la vie, la misère, c'est ce que l'humain veut avoir. La transition vers l'ère nouvelle, c'est-à-dire au-delà de la grande muraille, de la grande barrière, se fait facilement. Elle est facile à faire. C'est très facile à faire. C'est aussi facile que de chanter en public quand on n'a pas de voix, quand on ne sait pas chanter. C'est aussi facile. C'est-à-dire que le prix à payer pour traverser la grande barrière, c'est le même prix à payer que si je vous demande de vous lever une personne ici puis de chanter. Vous allez chanter, il y a quelques imbéciles qui vont rire, bon, et puis vous allez vous rasseoir. Et c'est fini. Alors, ça demande pas plus d'énergie que ça que de traverser la grande barrière. Maintenant, ça demande beaucoup plus d'énergie, l'autodestruction et tout ce que l'humain fait normalement. La seule différence, c'est que ça va vous demander un effort de chanter, mais ça ne vous demandera pas d'effort de vous détruire. Alors, l'être humain... C'est parce que toutes les mécaniques sont là pour nous aider à revenir, à se détruire. Ils ne sont pas là pour nous aider. Non, ça c'est évident. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour nous aider à avancer. Ils ne sont pas là pour ni nuire ni aider finalement, mais leur conception fait en sorte que ça les nuit sans arrêt. C'est nous qui décident qui se... C'est-à-dire que c'est nous qui ne décidons pas d'avancer. On ne décide pas de rester là-dedans. Mais il faut comprendre que 99% de la substance humaine adore la misère. Elle aime ça. Oui. Elle aime ça. Mais pourquoi pas leur en donner? De la misère? Oui. Bien, il y en a qui s'en occupent en masse, mais moi, ce n'est pas mon chemin. Moi, je n'ai rien à faire. Je ne peux pas travailler avec du monde qui a besoin de misère. Je ne peux travailler qu'avec les gens qui comprennent ce que c'est que une ère intelligente, donc un monde intelligent, je ne peux travailler qu'avec des gens qui, finalement, vont mettre leurs énergies pour aller vers ce monde intelligent, parce que, de toute façon, c'est avec ces gens-là que j'aurai à vivre plus tard, que je vis déjà, mais bon. Il y en a plusieurs dans le monde où je vis qui sont en phase terminale. Et là-bas, les gens, les personnes qui sont en phase terminale, ce ne sont pas des personnes qui vont mourir, c'est des personnes qui, finalement, ne seront jamais venues. Bon, parce qu'ici, au 20e siècle, ces gens-là ne naissent pas non plus. C'est ça. Bon, alors, c'est que ça devient ridicule. Il faut... Il y a tout... Donc, il y a énormément de mécaniques. La seule chose qu'il y a, c'est que l'être humain doit comprendre qu'il a besoin d'un carburant pour aller de l'avant, alors qu'actuellement, l'humain végète dans une société stagnante où le futur pour lui... Je parle de vie. Bon, si on rencontre des guerrieros en pleine jungle qui parlent juste de la révolution, ben ces bonhommes-là ou ces bonnes femmes-là, ils sont capables de vivre sale pour la révolution. Ils sont capables d'aller voler des AK-47 ou des fusils d'assaut russes, parce que bon, c'est le symbole de la révolution. Ils sont capables de manger des bestiaux, de manger des cochonneries, vivre dans la jungle. Ils sont capables de supporter plein de choses, des blessures. Tout ça parce qu'ils veulent vivre dans un avenir particulier. Un avenir qui va être sous-tendu par le carburant. Dominer, pouvoir, peut-être aussi amour du chef. On a des raisons. La nuance, c'est que ces gens-là sont capables de supporter une condition planétaire dans le but de. Alors que l'être humain qui se conscientise supporte la même condition planétaire dans aucun but. Bon. C'est ça. Ben, mais tant qu'à être dans la merde, bon... quelque chose. Tu loues des films vidéo, par exemple, tu loues pour 10$ de films vidéo par semaine, mais si on te demande de mettre 10$ dans quelque chose pour créer quelque chose, ce sera non. Tout pour la stagnation ou tout pour la décadence, ça va aller. Mais le moindrement que c'est dans la construction, la personne a des petits pets de carburant de temps en temps où elle va mettre un peu de son temps ou un peu de ceci ou un peu de cela. Sauf que les individus qui se conscientisent, c'est la marque d'ailleurs de la majorité de l'humanité, qui sont le moindrement un petit peu lucides, ces gens-là n'avancent plus. Ces gens-là n'avancent plus. C'est parce que c'est un manque de finalité. Le conscientisé ou les conscientisés, ils ne voient pas la finalité. Non, par contre, le gars avec sa révolution, il voit pas la finalité, ouais, alors la finalité va s'en inventer une finalité. La finalité pour lui, c'est faire la révolution. Oui, il va s'en inventer une. Mais si on regarde à Cuba, là, j'ai vu un bonhomme qui cultivait dans son jardin. Puis là, il dit la révolution a commencé le 35 ans, puis je suis certain qu'on va gagner. Ouais. Puis lui, ce qu'il sait pas, ça fait 30 ans qu'il est fini, puis on l'a fourré à l'os. Bon, mais lui, sa finalité, il va mourir. Ça fait 35 ans qu'il est dans le champ à cultiver du pied avec sa perche pour aider Fidel Castro à battre les Américains, à gagner la révolution. Et la finalité, le gars n'en a même pas. Le gars s'en fait croire une. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui se conscientise, à un moment donné, il va prendre quelque chose de bon au goût. Et si c'est bon au goût, ben, il n'est pas sûr que c'est bon au goût. C'est peut-être pas bon au goût. Ou peut-être c'est bon au goût, mais peut-être ça m'empoisonne. T'sais? Ou peut-être. Puis finalement, ben, il n'en boit plus. Il va prendre ce qu'il connaît, qui est moins bon au goût. Ah, il sait que ça détruit son corps, il y a tout là-dessus. Mais ça, au moins, ça fait partie de la réalité. Mais si quelque chose d'autre qui est bon au goût... c'est pas sûr, c'est bon goût. Il n'est pas sûr. Le carburant pour l'être humain qui se conscientise, pour l'être humain supramental, c'est un carburant qui provient uniquement de l'intelligence. La problématique, c'est qu'à un moment donné, votre automobile fonctionnez au carburant planétaire habituel, et puis lentement, progressivement, on vous rajoute un réservoir, on vous rajoute un nouveau carburateur, on vous rajoute différentes choses. Vous pouvez fonctionner aux deux carburants. Il y en a un qui va vous amener partout sur la planète comme vous avez toujours fait, mais vous n'avez plus le goût de trop y aller, mais il peut vous amener. Et l'autre carburant, si vous vous en servez, lui, il va vous permettre de voler. La grosse problématique, c'est que... Ça fait 2-3 000 ans qu'on veut avoir le mot du carburant pour voler. Mais avons-nous réellement déjà voulu voler? Tout le monde recherchait à voler. Fait qu'on a recherché à voler, mais maintenant qu'on peut voler, c'est plus évident qu'on voulait voler. On sent qu'on fait fourrer peut-être. Puis Puis là, on s'assoit sur nos lauriers, puis là, on fait des grandes discussions internes avec des connexions de canaux astro un peu partout, perdus dans l'immensité de la planète, juste à divaguer, donc à dire vague, à se compliquer la vie sur les problématiques de la paix. Bon, les problématiques de l'amour, les problématiques de l'harmonie, les problématiques du plaisir de vivre, les problématiques de ces choses-là. Là, on est dans la problématique. Au lieu d'être dans la vie, de profiter de la vie. Alors finalement, l'être humain est une espèce de chien savant qui a un peu d'intérêt, puis quand tu lui donnes les outils pour aller chercher, bien, finalement, il ramasse plein d'informations, mais puis là, il ne sait pas quoi faire avec ça. Mais fondamentalement, il n'a pas la consistance où il ne veut pas développer, il ne veut pas y aller, il n'a pas la consistance nécessaire pour devenir autre chose qu'un chien savant. Alors, il y a des individus qui, et là je ne parle pas négativement, je parle très, très positivement. Bon, sauf que nécessairement, il y a des individus qui doivent se brasser, se parler. Je parle surtout à l'intelligence qui habite l'individu. Il y a beaucoup d'égos qui écoutent présentement, mais je m'en fous. Bon, les égos sont toujours là de toute façon. Même quand je ne parle pas, ils m'écoutent et ils comprennent des choses que je ne dis pas. Bon, fait que, ça, on ne se complique pas la tête. L'intelligence qui habite les gens... Il est là le problème. C'est-à-dire que non... C'est les égos... En réalité, il n'y a pas de problème. Bien, il n'y en a pas pour toi, mais il y en a pour les autres. Non, il n'y a pas de problème. Au niveau cosmique, là, absolu, là, il n'y a pas de problème. Ah non, celui-là. Au niveau humain, il y a des problèmes. 94, il y en a. Oui, il y en a, exactement comme il y en avait lorsque, comme il y en a encore dans la cervelle de certains et de certaines, lorsque l'homme était raciste, par exemple, il fallait que les Noirs boivent dans un abreuvoir pour Noirs, prennent des autobus pour Noirs. Il y avait un hostie de problème. Les nègres, c'était des nègres. Mais il n'y avait pas plus de problèmes là que maintenant. Okay. Un noir va dire, ou un blanc va dire, non, un instant, il y a des problèmes. Crime, tu vas en Haïti, puis en plus, ça pullule de nègres, tu sais. Bon, il y a un mot du problème en Haïti, il devrait éliminer les noirs qu'il y a là, tu sais, il fait de la place un peu. Bon, c'est un problème. Mais il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème. Tu as ton espace vital, si tu arrives à être centré, il n'y a pas de problème. Les noirs, les blancs, les jaunes, même chose avec une femme qui conduit un camion, ça se fait pas. Bien, franchement, aujourd'hui, maintenant, ça se fait. Donc, si ça se fait aujourd'hui, il y a 25 ans, quand ça ne se faisait pas, ça se faisait aussi. Il n'y en avait pas de problème. Bon, il y a la femme qui pense... C'est comme, on est dans le monde où toi, tu vas, OK? Il y en a en phase terminale. Ils viennent ici donner juste une petite flamme, puis là, ils s'attendent à ce que ça allume tout seul. Et ça, c'est comme Dieu dans le paradis terrestre, tout ça. Pourquoi qu'il ne mettait pas mis dans le milieu? Il n'y avait pas d'affaires. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Dieu en réalité. Le pommier était là pour le vrai. Oui, je sais bien. Tu sais, pourquoi tenter? Pourquoi il ne nous aiderait pas plus? Ben, c'est ça. Moi, quand je dis que je parle aux intelligences des individus, il faut absolument que je parle, que les gens comprennent, ils sont reliés, là. Qu'à un moment donné, la flamme qui est en bas, pour la majorité, c'est pas fort. Ben non, c'est pas fort. Pourquoi tu poses quoi? Mais pourquoi ils ne nous en donnent pas plus? Ils peuvent pas. C'est une question d'instruction. Premièrement, toi, tu serais le premier. D'ailleurs, t'es le premier à ne pas vouloir revenir au 20e siècle aujourd'hui. Bon. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on parle de ces problèmes-là pour que finalement les gens commencent à venir se parler. Ça veut dire que ça va transparaître dans la tête du monde. Exactement, ça va transparaître, c'est que vous allez avoir un dialogue avec vous-même. Vous allez vous dire si, ouais, là, bon, là, il faut cesser. Il faut se brancher. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, les gens comprennent la manipulation, comprennent différentes mécaniques, et ils sont prêts à parler des problèmes d'autrui. Et quand eux ou elles vivent un problème, là, c'est pas pareil. On sait dans l'ordre de la conscientisation qu'il y a des égrégores qui sont rotatifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne qui se fait ramasser, puis quand elle arrive à s'en sortir, c'est une autre. Oui. Quand elle s'en sort, c'est une autre. Quand elle s'en sort, c'est une autre. Il y a du monde qui le voit, ça. Ça nous occupe. Oui, c'est pas ça qu'il y a. Le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui le voit. Ah, ben, disons qu'on est tous ensemble ici, on fait partie de la même organisation, et on s'est rendu compte, en dedans de 2 ans, qu'il y a 9 personnes, échelonnées sur quelques mois, qui ont été ramassées par la même entité. C'est les mêmes maudits symptômes, la même façon dont ça arrivait, la même vision, les mêmes affaires, puis finalement, ça sortait. Puis là, aujourd'hui, Il y en a eu 8 maintenant qui se sont fait ramasser. Là, aujourd'hui, il y en a une 9e. Mais cette 9e-là, elle voit pas que c'est ça qui se passe. Elle voit les yeux. Elle va voir. Elle a toutes vu les autres. Elle t'a expliqué. Mais libérée. Il y a 10e se ramasser. La 10e, elle, un instant, c'est pas pareil. C'est pas ça qui se passe. Sacrement. À un moment donné, il faut que l'humain finisse par se déniaiser. On l'a vu, on le sait. Mais ce qui arrive, c'est que l'humain se fout tellement de ce que les autres pensent de lui. Pas vrai. Oui. Et il ne peut pas écouter. Et nous, le gros drame, c'est qu'on pense que les humains... Tu parles de l'humain et l'intelligence. Non, je parle de l'ego. L'ego, il se fout. Comme toi, là, tu te fous éperdument de ce que moi, je pense de toi. Puis tout le monde se fout éperdument de ce que les gens pensent des autres. Et le problème, c'est pas que vous vous intéressez à ce que les autres disent de vous. C'est que vous vous intéressez à ce que vous pensez que les autres disent de vous. Okay? C'est ça, le crise de problème. C'est que toi, tu n'as pas peur que je te juge. Toi, là, tu mets ton énergie dans la peur que tu penses que je te juge. Et là, le problème. Alors, moi, si je te dis que tu es intelligent, ça, tu n'en as rien à foutre. Tu sais que moi, je pense que peut-être tu n'es pas si intelligent que ça. C'est ça que tu écoutes. C'est pas ce que je pense qui t'intéresse. C'est ce que je décode. C'est ce que tu penses que je pense qui t'intéresse. Puis régulièrement, c'est ce qui va arriver. Alors, ça va faire en sorte que dans même l'utiliser... Moi, je vais dire à du monde de temps en temps, « Tout est correct, si moi, tu l'as, t'es fort. » Mais l'autre, il se crisse royalement de savoir ce que je pense de lui. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense que je pense de lui. Alors, sans arrêt, il va essayer de venir, de vivre sa vie dans le but de changer ce qu'il pense que les autres pensent de lui. Puis toute la marde qu'on s'amuse à faire comme ça. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est que, bon, c'est réglé, on arrête là. Simple, on part. Tes problèmes, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La première chose à faire chez l'être intelligent, c'est de dire, c'est d'observer, puis je ne le vois pas. Parfait, il y en a 28 qui disent, bien, il a raison. 28 autour de moi, ils doivent avoir raison quelque part. Puis c'est pas de se dire, bon, OK, je l'admets, je l'avoue. C'est très important que lui, pour arriver à être capable de carburer vers l'ère nouvelle, soit capable d'observer et d'admettre à lui, donc être capable de se révéler à lui, oui, c'est vrai, je suis ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une fois que ça, c'est clair, la personne, elle n'aura pas à faire de gros travail de thérapie pour régler ça. Elle a juste à pu exprimer ça. Mais il faut avant qu'elle l'ait admis. Bon, la personne qui est alcoolique, qui ne l'admet pas, faites-y faire ce que vous voudrez, ça ne changera rien. La journée qu'elle l'a admis, c'est simple la solution. Elle ne doit plus agir comme ça. Et maintenant, on pourra lui dire, bien, quitte tes amis, change de milieu, viens se voir ceci. Quand tu commences à te sentir comme quand tu vas aller boire, fais d'autres choses, donc appelle-moi, viens me voir, fais une sortie. Bref, ne plus vivre comme elle fait. Et là, l'égrégore qui la manipule, cessant d'être nourri, va finir par aller se siroter ailleurs. On connaît la mécanique. Sauf que si on cible un problème chez quelqu'un, mécanique immédiate, il ne veut pas savoir ce que je pense de lui. Alors, il va se défendre immédiatement, il va se défendre contre ce qu'il pense que je pense de lui. Et c'est sans arrêt comme ça. L'humain, présentement, est organisé pour... On devrait aller faire un tour, à un moment donné, à l'époque de Pythagore, puis la gang de Gare, en Grèce. Vous allez voir, c'est extraordinaire, ils savent tout. Ils se battent, ils se lancent des pierres, ils se lapident, ils s'engueulent, ils savent tout. C'est un peu la même chose. Eux autres, c'est le groupe... Ben, je suis juste allé faire un jour en France aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'utiliser la science, d'utiliser le savoir. Non. C'est d'en parler, d'avoir raison, de tout savoir, d'être à l'extérieur de la science. Les humains ont des égos, toi aussi. Non! Pas lui, pas un égo que j'ai, pas pareil, mais c'est puissant, c'est une énergie, c'est pas pareil. Puis là, l'autre qui dit ça là-bas, ben, il sait-tu que l'autre, il y en a de l'ego? Ah, je sais qu'il y en a de l'ego. Puis ils sont tous pareils. Mais c'est ça, même ça se passe, là, quelques milliers d'années en arrière. Puis c'est même ça se passe plus ou moins, avec des façons adaptées. Il y a des gens présentement qui ont l'impression d'être totalement dedans. Et ils sont totalement dedans la merde. C'est ça? Oui! Et ces personnes-là vont venir te parler avec tout ce qu'ils font pour te psychanalyser. Puis toi, tu les regardes, puis juste leur démarche, elle est névrosée. Actuellement, il n'y a aucune intelligence qui s'exprime. Bon, excuse-moi. C'est juste... Non, mais je parle pas de toi. Ah, OK. Non, pas mon ego, là, tu sais. Non, mais il y a beaucoup d'ego qui sont instruits, puis ils sont sûrs, quand, ben, c'est-à-dire que ils sont sûrs que c'est de l'intelligence qui parle, alors que c'est pas ça du tout. L'être humain fait tout pour éliminer ce qui fait... Bon, moi, j'ai déjà expliqué ici que dans l'ère nouvelle, vous ne pouvez pas traverser autrement qu'entouré d'individus qui sont en train de se conscientiser. Parce que vous avez besoin de d'autres personnes pour vous dire « t'es pas correct, c'est de l'ego oui. ». Alors que dans l'ère ancienne, ben là, tu t'en vas dans un ashram tout seul, faut tout seul. Là, tu arrives à avancer un petit peu. Mais quand tu touches l'intelligence, à cause de l'ego, faut qu'on le fasse à plus qu'un ou deux. Et il faut aussi le faire avec des gens qui sont pas subjugués. Moi, je suis entouré d'individus, et tu le sais d'ailleurs, avec lesquels, de temps en temps, on peut élever le ton assez fort. Mm-hmm. Donc, les individus qui m'entourent ne sont pas subjugués. Mais si je suis entouré d'individus que quand je dis c'est bleu, ils disent oui, quand je dis c'est rouge, ils disent oui, ben c'est comme si j'étais tout seul. Je ne peux pas traverser la barrière comme ça. C'est impossible. Parce que je vais me faire ramasser, toutes les mécaniques astrales sont là et moi, je ne les verrai pas. Les individus qui sont en petit groupe ou qui sont seuls, c'est la même chose. Le petit groupe de gens subjugués ou de gens qui sont tous d'accord pour se flatter les égos mutuellement, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'ego. Ah non, c'est vrai. Toi non plus, ah merci. Bon, c'est ce genre, là, je caricaturise. Mais il y a des gens dans les séminaristes qui se tiennent ensemble et qui font partie, justement. D'ailleurs, ils font ce que tout humain fait, mais les conscientisés font la même chose, c'est extrêmement dommageable. C'est d'engendrer des contextes où on détruit toute forme de miroir. Parce que finalement, l'humain, il a une peur extrême de se voir. Donc, il y a des gens qui vont détester, par exemple, les gens colériques. Mais souvent, ce sont des gens colériques. Il y a des gens qui vont détester tel ou tel type d'être humain, et on se rend compte que souvent, ce sont ce genre d'être humain. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'être humain est souvent en train de travailler pour s'arranger, pour fuir les miroirs, détruire les miroirs. Détruire les miroirs, ça va engendrer des mécaniques religieuses que l'on connaît, c'est-à-dire la conversion. Tu vas voir ceux qui ne sont pas dans ta gang, tu vas détruire les miroirs, c'est-à-dire que quand tu arrives devant eux, tu te rends bien compte que tu es anormal, donc si tu es converti, tu deviens normal. Et c'est d'ailleurs pourquoi toutes les religions ont comme premier principe, religion pour les gouvernements, les politiciens, etc., de faire de la conversion, c'est de détruire les différences, parce que la différence fait en sorte que tu te remarques. C'est pas compliqué. Un noir dans un pays de noir, il est blanc, tu sais. Un blanc dans un pays de blanc, ben, il est noir. Personne ne le voit. Mais un blanc dans un pays noir, ben il va vouloir faire en sorte que les Noirs se tassent un peu. Est-ce qu'il va arriver aux Indes? Est-ce qu'il va arriver en Afrique? Est-ce qu'il va arriver à New York? Est-ce qu'il va arriver à bien des places? Est-ce qu'il va engendrer une forme de racisme qui va être supporté après ça par l'idée que les races sont meilleures? Mais ça, c'est une autre connerie. Mais uniquement détruire le miroir de façon à ne plus me voir. Alors, la grande partie du travail de l'être humain, en mode fuite, c'est de s'arranger pour ne pas se voir la face. Donc, nécessairement, tu es alcoolique, est-ce que tu tiens avec du monde qui ne boive pas? Ben non, ça paraît pas assez que tu es alcoolique, tout le monde ne boit pas. Fait que tu vas avoir une gang qui boive. Si tout le monde boit, il n'y a plus de problème. Le miroir est disparu. Bon, tu sais, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui va arriver souvent. Les gars vont se tenir ensemble, les filles vont se tenir ensemble. La jeunesse, les jeunes, sont plus purs de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'eux aussi se cachent moins. Mais à un moment donné, ben là, quand les égrégores d'adultes commencent à pénétrer les corps physiques des adolescents, adolescentes, ben là, on commence à créer des gangs. Les gars d'un bord, les filles de l'autre, on peut trouver ça niaiseux, c'est ce qui se passe quand même. Et le moindrement que quelqu'un va dire, hey, c'est-tu ta blonde, ça? Mais le gars va dire, tu fous, toi? Mais non, moi, pas de blonde, moi, je suis un gars, je suis normal, moi, là, les filles. Puis même chose avec la fille, comme si c'était le drame majeur, alors que tout le monde, ils vont tous courir pour avoir des blondes et des chums, mais ils n'ont pas, puis ils n'ont pas, puis ils n'ont pas, puis ils n'auront pas. Bon. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la grande partie encore des démarches de communication ascensionnelle que le conscientisé va faire est basée sur l'idée de ne pas se voir lui ou elle. Ce qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se créer des groupes très homogènes, et ce n'est pas de l'harmonie, c'est de la spiritualité. L'harmonie, c'est autre chose. L'harmonie, c'est quand on veut aller à la même place, c'est quand on veut utiliser des moyens similaires. Sauf que ce n'est pas nécessairement qu'on exprime l'énergie de la même façon. Moi, j'exprime mon énergie d'une telle façon, une autre personne va le faire d'une autre façon. On peut être deux écrivains, peut être un peintre, peut être un mathématicien, peut être un astrophysicien, peut être un balayeur. On exprime nos choses de façon différente, mais nous comprenons l'intelligence de la même façon. Tu sais, il y a des choses qui vont avoir des similitudes, mais ce n'est pas de l'homogénéité. Alors, l'être humain va, et je le constate parmi tout le monde que je connais, je connais du monde, il s'arrange pour détruire les miroirs, donc il n'aimera pas se tenir avec des gens qui vont faire en sorte qu'il va être réfléchi, il n'aimera pas se faire parler. En fait, il atténue leur dissonance, Ben non. Moi, c'est dissonance. Oui, mais c'est parce qu'ils sont informés par l'intelligence de ce qu'ils sont quelque part dans le temps. Puis l'ego se dit, c'est ça que je suis. Mais l'affaire qu'il y a, c'est pas ça que tu es. C'est pas ça qu'il est. Ce serait bon, en maudit, que tu regardes dans le miroir pour faire le point. Pas pour te dire, ah, je suis lié avec ça, c'est pas ça. Pour faire le point. Quand tu vas voir ce que tu es et où tu es, là, tu vas pouvoir dire, parfait, maintenant je sais d'où je pars, j'ai une intuition d'où je vais et je peux maintenant faire un cheminement. Sinon, je me dis, pas besoin de ça, moi, j'ai fini ça fait longtemps, et c'est faux. Bon, tu as besoin de ceci, besoin de cela, etc. Tu dois prendre tel type d'alimentation, faire ceci. Non, personne n'a pas besoin de rien de ça. Alors, c'est ce qui va arriver que si on commence à parler ensemble de problématiques et qu'on commence à prendre une personne et qu'on commence à jaser d'elle, bien, se défend. Toujours. Tout pour ne pas se voir. Et la personne va dire, oui, mais c'est pas vrai ce que vous dites là. Mais on s'en fout. Et si tout le monde autour dit, de toute façon, moi je te dis ce que je perçois, et dans une demi-heure, ça va être oublié. Mais comme toi, si c'est toi qui te fais jaser, comme toi tu te fous éperdument de ce que les autres pensent de toi, tu t'intéresses à ce que tu penses qu'ils pensent, tu vas penser que dans 2 heures, ils vont encore y penser. Tu vas penser que maintenant, chaque fois qu'ils vont te voir, ils vont t'analyser. Tu vas penser... pas ceux qui vivent, eux autres. Mais toi, tu vas te penser, puis là, tu te défends ça, puis tu te défends ci, puis tu te défends, etc. Tu lâches plus. Mais uniquement pour rien. Uniquement pour ne pas te voir la face. Puis autre chose que j'ai remarqué de très intéressant, c'est qu'il y a des individus qui détestent certaines formes de mécanique, et dans plusieurs cas, les formes de mécanique détestées sont ou font partie de la solution de cette personne-là. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il déteste, il n'est pas question, il n'y a rien à faire, tu ne m'auras pas avec ça. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Bon. Mm-hmm. Il y a des personnes, par exemple, tu vas leur dire, écoute, toi, il faudrait bien que tu ramasses un petit maître, là. Ouais. Tu obéisses pendant 2-3 semaines à la lettre. Oh, ben, si tu penses qu'il a besoin de ça. Ouais, lui, il a besoin de ça. Mais il n'y en a pas que tu penses, je vais me rabaisser, hein? Regardez son gros égo jasé qui parle de rabaissement. Il est rendu en bas depuis longtemps. Lui aurait besoin, effectivement, de découvrir qu'il est capable de rester totalement lui-même, même s'il obéit pendant 3 semaines à quelqu'un. T'sais, on parle de conneries planétaires. Bon, vous êtes l'esclave d'une personne pendant 3 semaines. C'est tout. C'est pas un problème. Ah, juste à l'idée d'y penser, je sais pas. Ah oui, pourquoi? Parce que ça serait bénéfique pour toi. Et nécessairement, s'il y a les réactions, les... Eh oui, parce que ça te permettrait de te placer un miroir en avant où tu verrais tellement de facettes complexes de ton égo idiot. Il n'y en a pas question. Non. Trouver une autre façon. Et d'où on revient à la question, veux-tu t'en sortir? Oui. Alors fais ça. Non. Ah, veux-tu t'en sortir? Non. Parce que... En échange d'une grande partie de chemin avancé, tu obéis pendant 3 semaines à quelqu'un. Tu sais, franchement, c'est pas compliqué. Il y a plein de gens ici qui vont dire, écoute, pour 1 million, moi, fais le ménage pendant 3 semaines chez quelqu'un, ça me dérange pas. Mais il y en a plein ici que même pas pour 3 millions. À 5, ils commenceraient à y penser, mais la moindre petite protestation de leur part, ils perdent leur million de tes mains dehors. 3 semaines, la majorité ne traverseront pas 3 semaines. À cause, tu vois comment c'était paix? Tout ce que tu as à faire, c'est de le faire. 3 semaines, tu fais ce que tu as à faire, tu vas te voir. Les individus qui sont habitués de servir, ben on va leur dire, pendant 3 semaines, tu devras te faire servir. Et tu ne devras rien faire. Sinon, tu perds encore ton 3 ou 4 millions. Mais tu vas voir pour plusieurs, oui, mais là, écoute, là, je me souviens que ça revient un verre d'eau, je peux quand même pas déranger l'autre qui dort, là. Tu ne devais rien faire. Elle va faire de quoi? Elle ne laissera pas rien faire. Passer 3 semaines à juste te faire servir pour plusieurs, c'est impensable. Et les gens ne diront pas c'est infaisable. Ils vont dire oui, je peux le faire, mais c'est stupide. Parce qu'ils ont l'impression d'être en état d'infériorité. Non, non, non, parce qu'ils vont simplement se voir. Alors, ils auront plein d'impressions du genre, mais le gros problème, c'est parce qu'ils ne veulent pas se voir comme ils sont. Ils ne veulent pas se voir tel qu'ils sont. Non. Juste ne pas se voir comme ils sont. Il y a un bonhomme que j'ai rencontré, j'étais au Guatemala avec lui. Il y a eu la tourista une semaine avant de partir. Mm-hmm. Il a eu tout le long du voyage, puis il a eu deux semaines encore après être revenu. Un mois avant, il était sûr qu'il serait... Ah, de toute façon, il s'était préparé comme il faut. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Mais il faut croire qu'il n'entreprend rien de ce qu'il veut, en tout cas. Et puis, à un moment donné, ben, il faut qu'il cherche la clé. Alors, tout ce qu'il a à dire, c'est le numéro 200. Fait qu'il arrive là, là. Il y avait 200. C'est pas compliqué, là. Il se pointe en avant, puis... ma clé, s'il vous plaît. Il n'a jamais pu... T'as pas l'air niaiseux. C'est bien plus brillant que 200. Ça, c'est stupide. Mais... Il a tout dessiné ça comme il faut, là. Avec des sons gutturaux. Et puis, il a eu sa clé. Puis, je l'ai eu quand même. Ben oui, c'est vrai. En faisant l'épaisse, il l'a eu pareil. Mais t'aurais pu l'avoir en faisant le gars intelligent. Et c'est ça. Pour lui, là, c'est... Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se confronter. Alors, il y a donc des choses pour qui... Puis, tout, il n'a pas réussi à dire un seul mot d'espagnol, ni gracias, ni quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ses... Évidemment, lui-même mentaliste et intellectualiste. Ah oui, mais je me suis débrouillé quand même! Ah oui, pas de problème. Tu étais malade une semaine avant, deux semaines après, tu es quatre semaines là-bas, tu n'as parlé à personne, tu sais, ça t'a coûté 1000$, voyage extraordinaire. Ah, il va, oui, voyage, oui, j'ai pris des photos, j'ai vu ce que je voulais, j'ai parlé avec des Québécois. Ah, c'est extraordinaire, tu as fait tes voyages. Mais c'est exactement ce qui arrive tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est que la transition de l'autre côté, elle est facile, mais l'être humain doit être prêt à être confronté à un miroir. Et le gros problème, c'est que, un, l'humain n'est pas, l'humain ne veut rien savoir d'un miroir. L'humain ne veut pas carburer au nouveau carburant. L'humain qui se conscientise ne veut plus carburer au vieux carburant. Donc, il veut simplement qu'on le laisse là. Alors, puis regarde comment l'humain est véreux et vicieux. Ça va être, « Oh, mais donne-moi une raison d'y aller! » Ben, tu vas être mieux. « Ouais, mais ça, c'est pas prouvé! » Donne-y quelques raisons que tu voudras. Donne-y n'importe quel foutu carburant. Il n'en veut pas. Mais ça, c'est pas les vraies raisons, ça. Parce que ça, c'est l'ego qui parle. C'est lui, il ne veut pas, de toute façon, y aller. Je sais, ça, je dis, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que tu dis à une personne? Tu dis à une personne rien. Alors, à un moment donné, pour avancer un peu plus loin, il faut que l'intelligence des individus, ce qui est en force terminale là-bas, commence à se réveiller un peu plus ici, pour dire à la personne, écoute, si bois, attends qu'elle a niaisé, tu sais, niaise quelque part où c'est que c'est le plus intéressant pour toi. Mais là, je ne parle pas au niveau de l'ego. Ça veut dire que ça implique une démarche absolument essentielle. Ça va être, bon, lève-toi et puis chante. Oui, mais mon ego ne veut pas. On s'en crise de ton ego. On dit, chante. Il faut que l'être humain soit capable de, justement, de se détacher de ce que son ego vit. Bon, alors, tu fais la chose, tu observes comment c'est niaiseux, tu observes les barrières qui t'empêchent de le faire, que tu chantes ou pas parce que c'est pas le temps, parce que t'es pas prêt, t'es pas assez fort, t'es manipulé trop puissamment. On comprend. Au moins. Mais, t'es en démarche pour chanter. Hein? Et puis pas défendre. Ben là, ça. Pas défendre. Ah, pas là, aujourd'hui. Pas, ah non, je suis pas prêt encore à ça. Ouais. Ah, c'est bien, on a toutes les raisons que vous voudrez. Et, ah oui, mais chanter, c'est pour ça qu'on va me faire évoluer, c'est pas vrai. Mettez les raisons que vous voudrez. Mais l'idée, c'est d'arriver à être libre. Pas libéré, libre. Donc, tout ce qui vous amène à vous dépogner est nécessairement sur le chemin. Que ce soit chanter, que ce soit faire ceci, que ce soit faire cela, ça vous amène sur le chemin. Bon, mais l'être humain, l'humain, ce qu'il se dit simplement, c'est comme une personne qui est alcoolique, tu lui dis « Non, prends pas ce verre-là, tu as commencé à te désintoxiquer. » La personne va dire « Tu penses qu'un verre de moins dans ma vie va être désintoxiqué? » Mais non. Lui et toutes les autres. C'est ça. Et lui, tu penses qu'on va ôter un verre de vin et m'être désintoxiqué. Tu sais, tasse-toi donc, laisse-moi donc boire. C'est la même chose. Chanter un coup. Ah, tu penses que si tu chantes, moi, être libre après, hein? Mais non. Chante, marche, souris, touche, parle, rit, joue, dors, sors, rencontre. Tu sais, tu continues ton affaire. Tu vas être libre. À la condition, évidemment, que ça se fasse en mode désinhibition et non pas en mode libération. Mais ça, il y a encore plein de gens qui viennent me voir de temps en temps, alors totalement libérés, avec un gros égo rusé, puis essaie de me faire croire qu'ils sont désinhibés. C'est du monde de même, là, tu sais, qui s'en vient de ta voix. Daniel, là, je suis tout désinhibé, moi, là, je suis désinhibé, là, tu peux te toucher, désinhibé, moi, là, là. Puis là, moi, il faut que je gobe ça, là. En tout cas, si un jour, voyez quelqu'un rentrer une conférence qui a un bras de plâtre, là, il était désinhibé. Puis il est venu me le montrer. Oui. Mais c'est ça, c'est comme une lame de rasoir, c'est les deux. À mesure qu'on instruit la conscience, qu'il faut se conscientiser, l'intelligence, l'ego monte aussi avec. C'est que l'humain doit... Il y a toujours le deux tranches. Oui, mais ce que l'humain doit faire, simplement, c'est d'admettre où il en est. Okay? C'est un minimum. C'est le minimum, mais oui. C'est un minimum qui est majeur. C'est pas essayer de recaler les autres. On n'a rien à foutre des autres, justement, on n'a rien à cirer des autres. Oui, pour pas voir son miroir. Là. Moi, ce que je dis simplement, c'est que toi, veux-tu réellement t'en sortir? Il n'y a personne qui veut s'en sortir. OK. Toi, veux-tu réellement t'en sortir? Moi, oui. Mais s'il n'y a personne qui veut s'en sortir, il faudrait qu'on s'en sorte. On n'a personne. vois-tu, plus probablement que non. C'est pas évident. Bon. Maintenant, c'est ça qu'il faut commencer par le voir. Il ne faut pas le dire de même. Là. Il faut le voir. Il faut le voir. Si tu veux t'en sortir, pourquoi tu t'en sors pas? T'es manipulé? C'est d'accord. Pas. Mais si t'es manipulé, t'as donc tout ce qu'il faut pour qu'on t'accroche. Manipulé. C'est moi qui veux pas. Oui, mais t'es manipulé. Donc, t'as tout ce qu'il faut pour qu'on t'accroche. Puis le toi, t'en fais partie. Oui. Mais au minimum, es-tu bâti pour t'en sortir? T'sais, veux-tu t'en sortir égoïquement? Est-ce que je suis bâti pour m'en sortir? N'importe qui. Oui, c'est évident que t'es bâti pour t'en sortir, puis t'es bâti pour rester ici. C'est ça, c'est la lame de, c'est les deux tranchants. Oui. Sauf qu'au départ, si tu es capable de conscientiser, là, veux-tu t'en sortir réellement? La réponse est oui ou c'est non? Et la réponse est non. Non. Puis tu ne veux pas le voir. Donc, tu ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Non. Maintenant, veux-tu rester ici à tout prix? Non, non, non. Bon. Ça veut donc dire que tu peux constater qu'il y a quelque chose, effectivement, chez toi qui a tendance à vouloir s'en sortir. Mais tu as toute une maudite bébite qui, elle semble qu'elle va suivre, et c'est évident qu'elle ne veut pas suivre. Il ne faut pas qu'elle suive. Bien, qu'elle suive pas. Si je veux m'en sortir, il faut que ça lâche, ça. Ah, ben non, il faut que ça meure, que ça se transforme, que ça mute, je m'en fous. Oui. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse quelque chose, il faut que toi, tu t'en sors. Qu'elle suive, qu'elle reste, je m'en fous, moi, je passe. Oui, mais elle ne peut pas suivre. Il faut. On s'en fout. Ça ne fonctionnera pas. Bien, ça dépend. Si ça suit, puis elle change au complet, puis elle mute, ça ne me dérange pas, moi. Ah, un tronc d'arbre qui rentre dans. Alors, telle qu'elle est actuellement, là, l'ego. Ah, mais non, mais elle ne pourra pas rester de même, c'est évident. Mais ça veut suivre, elle suivra. Moi, je passe par un trou grand de même. Si tu es gros de même, si tu veux suivre, tu suivras. Mais c'est évident que ça va être pas mal plus long après. Mais moi, je m'en fous. Tu comprends l'idée? Moi, je ne fais pas de philosophie de dire qu'il faut couper. Moi, je m'en vais là. Si ça veut suivre, ça va suivre. Si ça traverse, c'est que c'est parfait. Et sinon, je ne traverserai pas. Fait que ça fait un problème de moins réglé, j'ai pas à me dire, ouais, il faut pas que j'amène ça avec moi. Si ça vient, ça va être parfait. Sinon, ça ne viendra pas. Fait qu'il y a une affaire de moins réglé. Hein? C'est comme de dire, ouais, mais là, il pleut, mais d'un coup, il pleut des clous. Tu sais, il pleut pas des clous. Fait que relax. Tu ne regardes pas. Fait que si ça passe, ça va être parfait. Si ça passe pas, ça va pas, je m'en fous. Mais juste se poser les questions, tout le monde, de ce que tu veux. Parce que si tu regardes ta vie, tu dois admettre que tu veux, tu fais tout, tu veux pas t'en sortir. Non. Que tu veux pas être mieux. Que tu ne veux pas ceci, que tu ne veux pas ça, que tu ne veux pas cela. Après ça, il faut juste, maintenant que tu fais ça complet, tu fais une introspection au niveau de ta tête. Puis les questions, c'est pas est-ce que je veux m'en sortir? Tu as des réponses négatives. Honnêtement, négatives. Maintenant, est-ce que je veux rester ici? C'est encore négatif. Ben là, tu vas commencer à être capable de voir les nuances entre la flamme puis le reste. Parce que de dire, ben non, mais moi, je veux m'en sortir, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Grosso modo, vous êtes des menteurs. Alors, est-ce que l'ego, il ne voudra jamais quitter la terre. Non. Quitter le monde. Mais parce que c'est toute sa vie. C'est toute sa vie, sauf que ce qui l'attend de l'autre côté, c'est plus intéressant. Oui, mais c'est l'incertitude, c'est ce que je disais tantôt. Il faut juste que l'ego change de carburant. Ça veut dire que qu'est-ce qui carbure? Qu'est-ce qui fait carburer l'ego? C'est de la mémoire. Oui. Mais là, il va falloir que l'ego carbure à l'instantané. Ça va nécessairement engendrer une âme pure, mais c'est-à-dire que l'ego va disparaître. Ça va engendrer une âme sans égo, donc une âme pure. Mais quand tu parles de même, l'égo va disparaître, là. Lui, il comprend, là, moi, je vais mourir. C'est ça. Il va mourir de toute façon. Il ne m'aidera jamais à m'en sortir. De toute façon, là, petit égo, là, quand tu gagnes le monde astral, le monde de la mort, là, t'es tout dissous complet. C'est quand toi puis moi, tu as le choix de ne pas t'en sortir dans la merde ou de ne pas t'en sortir dans la bonne place. Ça, c'est bon. Ah, mais c'est ça quand même. Yeah, oui, de toute façon, je t'appelais à mourir, puis lui aussi, il meurt. Ben oui. Pourquoi pas prendre... Sauf que renaître, c'est pas mourir. Ton ego va devoir évidemment renaître. C'est-à-dire que l'énergie va rester là. Mais pas les merdes, pas l'ego. Bref, l'ego s'en va. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes doivent faire un... Tu sais, il y a une nuance entre triper, vouloir le faire, entre vouloir dire « Moi, c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je veux. » Pourquoi tu dis ça? Uniquement pour pouvoir dire « Ah, je vous aime pas, ah, je vous aime pas. » Mais finalement, pas ça que tu veux. Non. Tout ce que tu veux, c'est haïr le monde. Bon, c'est facile de dire ça, là. Ah, oh, j'aimerais tant sauver une société intelligente, moi, là. Il n'y aurait plus cette épée-là. Puis il n'y aurait plus cette pollution. Puis il n'y aurait plus. Ce que tu veux, c'est être hippie. Ce que tu veux, c'est être n'importe quel maudit imbécile sur la planète. Tu es critiqué, puis tu fais une raison pour pouvoir dire que tu es mieux qu'un autre. Fait que toi, tu veux la paix, puis tu es prêt à tuer tout le monde qui ne veulent pas la paix. Tu sais, il y a un incendiaire dans la cabane ici. Je pense qu'on va mettre le feu pour savoir c'est qui. Tu sais, c'est un peu pareil. Il y a un homosexuel dans la salle. Si tu me donnes un bec, moi, je vais te dire c'est qui. Bon, mais c'est à peu près le même genre de mécanique. Les gens sont les coupables même de l'ordre du problème et ils vont aller chercher des raisons pour pouvoir exprimer ce qu'ils vivent. C'est toujours pour empêcher de savoir. Les gens ne veulent pas savoir. Le moindre moment qu'on explique à quelqu'un, écoute, tu ne l'as pas. Ah, mais là, elle va tout t'expliquer. Elle va tout te prouver en te prouvant qu'elle ne l'a pas, elle va essayer de t'expliquer qu'elle l'a. Les gens n'écoutent pas. Le pire, moi, je rencontre des individus qui, à un moment donné, viennent me dire, comme ça m'est arrivé une fois à la radio, une personne qui me disait, que l'enfant Teflon, alors je ne connaissais pas ça du tout, mais vraiment, elle avait rencontré des gens qui connaissaient ça. Eux autres, ils en parlaient comme il faut, mais moi, c'était évident que je connaissais absolument rien de l'enfant Teflon. C'est moi qui ai le père de la théorie, c'est moi qui ai amené le mot, c'est moi qui ai écrit les livres, c'est moi le spécialiste, puis elle en déduit que moi, je suis le seul sur la planète qui ne connaît pas ça. Bon. Alors, à un moment donné, j'amène, par exemple, ce que c'est la désinhibition. Je suis le premier à avoir amené le concept sur la planète. Et là, je rencontre des gens qui viennent de temps en temps, après m'avoir écouté, après avoir appris plein de choses, venir me dire que les autres sont désinhibés, puis si je ne le vois pas, c'est que je ne comprends rien. C'est ça. Moi, je leur amène l'information, puis moi, je suis le seul qui ne comprend pas. Mais quand je rencontre des gens comme ça, il y en a, puis il y en a parmi les séminaristes, il y en a parmi des écouteurs de cassette, qui, eux, comprennent mieux que moi. Ce que moi, je leur ai instruit. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui est très près de moi, je l'ai brassé, bon, je brassais plein de choses, et puis là, je lui ai fait voir un point phénoménal. Mais deux jours après, il vient me voir, il dit, « Ouais, mais Daniel, tu sais, je ne suis pas sûr que tu comprends bien toute l'affaire. » Là, je disais, écoute, si moi, je comprends bien toute l'affaire, ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu relaxes maintenant que tu l'as vu. Ah oui, mais elle parle de le même, je ne suis pas sûr que tu comprends tout ça clairement. Si c'est moi qui te l'ai expliqué. Oui, mais je comprends. C'est deux, trois jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, puis je disais, si moi, fais attention. Ah oui, mais lui me disait aussi, ouais, mais je ne suis pas sûr, tu comprends tout. C'est ça, les MTS. Là, j'en ai parlé, puis finalement, bien là, il pense que je comprends. Bon, c'est pas pire. Là, il a compris pourquoi, effectivement, il fallait faire attention. Mais comment voulez-vous penser, et c'est arrivé à travers l'histoire humaine régulièrement, où une personne amène une innovation géniale, il la communique à des gens autour de lui, puis finalement, il y a un ou deux égaux qui en déduisent que l'inventeur ne connaît rien là-dedans, puis ils partent sur leur propre côté, parce qu'eux autres, ils l'ont. C'est lui qui amène tout, mais eux autres, ils l'ont. Alors, ce qui arrive, c'est que si quelqu'un vient me voir pour me dire, écoute, Daniel, nous ou moi, on est désinhibés, nous sommes prêts. Puis moi, je dis non, t'es pas prêt. La personne, elle me dit, ben oui, non, qui est de nous dire ça? Tu sais, qui est? C'est lui que tu t'es mis à faire. Il connaît rien là-dedans. Il y a énormément d'individus qui viennent me parler, me dire qu'ils sont hors de la spiritualité maintenant, alors qu'ils sont dedans au complet. Mais je peux pas leur dire qu'ils sont dedans. Pourquoi tu peux pas leur dire? Ben parce qu'ils ont tous écouté mes cassettes, c'est clair qu'ils sont pas dedans. Moi, je connais rien, moi, là. Les cassettes le disent clairement, là, tu sais. Oui, là. Mais pourquoi on peut pas commencer à être plus rigide, moins tolérant? Non, mais c'est ce que je suis. Sauf qu'il y a une nuance entre moins tolérant. Non, il y a une nuance entre être moins tolérant et puis tout détruire. Tu sais, bon, il y a une nuance. Il faut parler, il faut expliquer aux gens, à un moment donné, que le gars qui invente la chirurgie cardiaque, et qui fait 25 transplantations. Et quand il se fait dire par l'interne, là, qu'il voit faire, « Hey, pas de même qu'on fait ça! J'ai lu un livre! » C'est une traduction française du livre que lui a écrit en anglais, là. « puis l'interne qui dit au chirurgien qu'il ne connaît pas ça, bien, on voit ça fréquemment. Des gens qui ne me font pas confiance dans, dans mon intuition de ce que je vais voir, ou qui, une fois qu'ils ont, et en plus, ils se basent sur des choses que j'ai dites pour en déduire aujourd'hui que ce que je dis maintenant, c'est pas ça. Bon, c'est des individus qui sont dans une spiritualité particulière et qui ne veulent pas risquer de se faire planter un miroir devant eux. Et qui se servent de choses que tu as dit il y a 2-3 ans. Oui, mais qui sont vraies, mais c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens comprennent. C'est plus vrai. Je veux leur expliquer, puis ils me disent, c'est moi qui comprends pas. On fait une petite pause.